La chambre du porte-parole du Parti pour le rétablissement de bien-être de Corée du Sud a publié le 5 courant un commentaire pour réclamer la démission générale du cabinet ministériel de Fang Yuan qui se conduit servile aux grandes puissances. Ce pro-américain a introduit l'armement américain Saad soumis à la demande des forces étrangères et ferme les yeux aux crimes de pollution de l'environnement des GIs d'occupation en Corée du Sud. Il y condamne le gouvernement traître qui introduit aux bases de Ryongsan et Dosan même les bacilles du charbon et du botulisme, armes meurtrières fatales pour livrer les essais de combat bactériologiques. Par ailleurs, Yonhap sud-coréen a rapporté le 5 que le commandement des forces armées américaines d'occupation sud-coréenne a introduit dans sa base au port de Busan les équipements militaires biochimiques pour le plan Jupiter.